parle pour toutes celles qui ne peuvent pas le faire. Je me bats pour elles, j'ai le cœur volontaire. Aujourd'hui, personne réussira à nous faire taire. Nous ne mettrons plus un genou. Du temps, on a su changer d'image. Vous êtes entourés de femmes de courage. C'est en nous, c'est à nous notre monde. D'où l'on regarde d'un désert aride ou d'une île gorgée de chaleur. Ensemble faisons la qui porte le monde.